Auguste, que les dieux te conservent. César Auguste, empereur très saint, que les dieux te gardent éternellement. Bienheureux, sois toujours vainqueur, sois triomphateur à jamais. Tu es gros, mais délivre-nous des chrétiens, ô César Auguste. Empereur, mais délivre-nous des chrétiens. Très saint empereur, mais délivre-nous des chrétiens. Venge nos dieux. Mange nos fées. Venge nos Salut, beau jeune homme. Salut, Sagittaire à la chevelure d'hyacinthe. Je te salue, chef de la cohorte des Méses. Par mon laurier, Sébastien, je t'aime aussi. Je veux, avant que tu ne parles, qu'on t'acclame. Je veux qu'on t'acclame. Vous tous, à la louange infatigable, criez en rythme. Que les dieux justes conservent ta beauté pour l'empereur Sébastien. Criez en rythme. Les dieux justes conservent ta beauté pour l'empereur Sébastien. Tu te voiles de ta chlamyde. Tu te voiles comme la vierge qu'on outrage ou celle qu'on va égorger. Or, je ne veux pas t'égorger. Découvre ta tête. Je veux te couronner devant tous les dieux. César, j'ai déjà ma couronne. On ne la voit pas. Tu ne peux pas la voir, Auguste, bien que tu aies des yeux de lynx. Et pourquoi? Parce qu'il faut d'autres yeux, armés d'une autre vertu. Où sont-ils, les magiciens qui t'aident dans tes artifices et qui t'enseignent tes prestiges? Je n'ai d'autre art que la prière. Est-il vrai que tu as dansé sur des charbons ardents? César, non, sur une jonchée de lys. Tu étais le seigneur des danses venu de Bérite marine. Dis-moi, est-il vrai qu'au solstice, tu as blessé le ciel? Le ciel m'a blessé. Femme de Byblos, femme, ne ressemble-t-il pas ce bel archer à votre jeune dieu, femme? Il est beau, César. Je ne crois pas, je ne veux pas croire au délit dont on t'accuse, chef de ma cohorte légère. Tu es trop beau, et il est juste qu'on te couronne devant tous les dieux. Oui, dis, ne t'ai-je pas comblé d'honneurs, de bénéfices, d'ornements, d'heures glorieuses et de belles armes? Tu mènes mes archers d'Émèse. Toujours j'ai tourné vers toi le plus clair de mes visages. Oui, tu m'as été libéral, Seigneur. Je ne veux pas savoir si tu fais des rêves étranges autour d'un roi de Saturnal, d'un esclave en tunique rouge, monarque d'un jour qu'on immole sur l'autel de Saturne. Vois, j'ai là tous mes dieux. Vois, regarde, dans tous les marbres, les métaux, les bois, les argiles, les verres, et dans les pierres fulgurales qui sont les messages des nus, et dans les pattes inconnues, semblables aux ambres, aux nacres, aux labyrinthes les plus vains de la mer, j'ai les simulacres de tous les dieux. Oui, vois, regarde, tu peux choisir pour ton offrande un dieu farouche, une déesse molle, du sang, du miel. Contresse d'anémone et de laurier rose sans bandelette de guirlande, je veux cindre l'enfant morose et me cindre avec lui. César, sache que j'ai choisi mon dieu. Le soleil! Et je te ferai pontife du soleil au temple du Quirinal. J'ajouterai d'autres dépouilles aux dépouilles de Palmyre. Celui que tu nommes l'esclave rouge, le monarque d'un jour, le roi sanglant. Je l'ai choisi de toute mon âme, au-delà de mon âme. Entre vous et le jour, il est. Entre vous et le soleil mort, il est. Unique. Sitar, faites la lumière, aveuglez l'impie, Euryal, entonne l'hymne. À la lyre et à l'arc, ni plus de diadème sur la honte de son front. Silence! Silence! Oh, vous qui me voyez inerme, je suis l'archer certain du but. Je suis l'esclave de l'amour, je suis le maître de la mort. J'ai d'un signe étouffé le chant dans votre gorge et engourdi vos doigts. Écoutez l'autre lyre, je vous adjure. Au nom du Christ, par l'ombre de la croix sanglante, par cette ombre qui vous recouvre, vous en avez déjà la bouche pleine jusqu'aux poumons, chanteur. Vous qui vous haussiez sur l'orteil pour mâcher la lumière d'or, broyez cette ombre, égorgez-le. Non. Je veux rire. Je cherche des façons nouvelles. J'invente des modes nouveaux. Mais ne regarde pas ton maître. Tu es l'esclave des esclaves. Cache tes yeux peints de nuit bleue. Voile du pan de ta chlamyde, ta pâleur phrygienne. Non, mais voyez, oh, comme il est beau. Il est trop beau. Je veux qu'il chante son extrême chant. Oh, Euryal. Porte-lui la plus vaste de mes cithares, pour qu'après tu puisses clouer contre les deux cornes sonores le sacrilège ivre de myrrhe. C'est ce que je veux. Obéis, que la cithare d'Hélienne soit le gibet de cet éphèbe, car il est beau. Je suis mon sacrificateur, je vous le dis. Orphée, Orphée, fils d'Apollon! Il vient de trancher les sept cordes. Par les larmes des sept pléiades, tuez ! Tuez la vie ! Mettez son tronc à lambeau ! Mettez-le au tigre ! Au tigre ! À la claque ! César, écoute l'autre lyre. Je ne chanterai pas mon hymne. Oh, j'ai trop d'amour sur mes lèvres pour chanter. Et mon cœur m'étrangle jusqu'à ce que je ne l'oie plus. César, César aux yeux de lynx, je danserai si je suis le seigneur des danses, venu de Bérite marine. Pour tes mages et tes devins, je danserai la passion de ce jeune homme asiatique, de ce prince supplicié, de la profondeur de tes yeux. Regarde, écoute, et puis regarde. Ne tremble pas. Sois un dieu, je te ferai dieu. Tu auras des statues, des temples.